soir, il commence à se faire tard. Assis au comptoir d'un bar, j'tends que la serveuse m'apporte à boire. Un café noir à me serrer, c'est mon espoir qu'il faut réveiller. La vie c'est croire qu'existait ses gloires et célébrités. Le papier peint et frite et de ce haut lieu du passé me rappeler quand ce monde tout finit par faner. C'est à ce moment qu'un ange est entré dans la pièce, un silence accompagnant le moindre de ses gestes. Mais est-ce le contraste ou le contexte qui hypnotise mes lettres? Eux est au feu mes mots, mon sourire se traître lui envoie les signaux et le sien tristesse lui fait écho. Un lundi soir trop tard pour se sublimer, assis au comptoir d'un bar rue de la paix, j'ai pris un café noir. Un ange est entré, la suite de cette histoire laissez-moi vous la raconter. Un lundi soir trop tard pour se sublimer, assis au comptoir d'un bar rue de la paix, j'ai pris un café noir. Un ange est entré, la suite de cette histoire laissez-moi vous la raconter. L'aise qui s'est assise à mes côtés, j'esquisse une bise par la pensée. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait apprécié? En tout cas, je crois que j'ai vu son visage s'éclairer. Ses yeux rouges sanglots me questionnent. A-t-on besoin de mots pour refaire le monde? Ou s'agit-il du plus beau des mensonges? Je suppose que seul un sourire saurait y répondre. La serveuse débordée m'apporte mon rhum, mon café. Un air stressé demande à la belle ce qu'il lui fallait. Sans hésiter, elle dit la même chose, s'il vous plaît. Ce soir, c'est mon espoir que je veux réveiller. Un lundi soir, trop tard pour se sublimer, assis au comptoir d'un bar, rue de la paix, j'ai pris un café noir. Un ange est entré, la suite de cette histoire, laissez-moi vous la raconter. Un lundi soir, trop tard pour se sublimer, assis au comptoir d'un bar, rue de la paix, j'ai pris un café noir. Un ange est entré, la suite de cette histoire, laissez-moi vous la raconter. Nous ne parlons, mais on se comprend. Parfois la communion se fait en silence. C'est comme une union, celle d'un instant. Le bar paraît retrouver sa prestance. Nous imaginons une contrebasse, une guitare, une batterie, un sax. Cette mélodie des plus jazz, nous dansons par la pensée. Et je me dis, oserais-je l'embrasser avant la fin de cette nuit? Le quartier sonne la cloche, le bar va fermer. Elle s'approche, me dit quelle belle soirée. Je lui réponds, ce sentiment est partagé. Demain je reviendrai en espérant la recroiser. Un mardi soir trop tard pour se sublimer, assis au comptoir d'un bar, rue de la paix, je prendrai un café noir et je l'attendrai. La fin de cette histoire, à vous de l'imaginer. Un mardi soir trop tard pour se sublimer, assis au comptoir d'un bar, rue de la paix, je prendrai un café noir et je l'attendrai. La fin de cette histoire, à vous de l'imaginer. Cette histoire, laissez-moi vous la raconter. Un lundi soir, trop tard pour se sublimer, assis au comptoir d'un bar, rue de la paix, j'ai pris un café noir, un ange était entré. La suite de cette histoire, c'est à vous de l'imaginer.